Crise 14. Observation. Forme masculine et féminine identique. Féminin. Elle est solide. Masculin. Il est solide. Elle est rapide. Il est rapide. Elle est malade. Il est malade. Elle est fragile. Il est fragile. Elle est raisonnable. Il est raisonnable. Elle est mince. Il est mince. Elle est sympathique. Il est sympathique. Notez que ces formes féminines et masculines sont identiques au point de vue de la prononciation et aussi au point de vue de l'orthographe.